L'énergie. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres ? Cette semaine, de la question religieuse. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du 18e siècle, en gros. Monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Quand on considère à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens. Nous avons coutume de demander à nos invités de se présenter eux-mêmes. Comme depuis peu, je découvre Pierre Vespérini, quelques-uns de ses propos avant de me plonger plus tard, car c'est tout frais dans ses écrits. Je ne suis pas certain que cette proposition de « voulez-vous bien vous présenter » peut le satisfaire sans que je ne mentionne cette préférence que vous semblez avoir, Pierre Vespérini, à savoir que vous préférez plutôt le faire plutôt que l'être. Alors si on vous demande, et quand on vous demande, comme je le fais à présent, de vous présenter, est-ce une mauvaise patate chaude que l'on vous envoie, ou bien vous pouvez largement vous en départir ? Écoutez, non, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être mis mal à l'aise par ce genre de questions, parce que au fond, je ne sais pas y répondre, tout simplement. C'est-à-dire, je ne sais pas qui je suis. Et même maintenant, plus je vais dans la vie, plus je me pose des questions sur ce que je fais également. Notamment dans la situation actuelle, et ça arrive régulièrement dans les situations de crise que traverse le monde. Chaque fois, je me pose la question, mais finalement, est-ce que ce que je fais est bien ce que je devrais faire? Et finalement, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Voilà. Bon, voilà. Du coup, je vais tout de suite répondre à la question. Ce que je fais, eh bien, écoutez, c'est très simple. J'étudie l'Antiquité. J'étudie plus précisément ce qu'on appelait philosophia dans l'Antiquité, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut distinguer de ce qu'on appelle aujourd'hui philosophie antique, qui est souvent une construction moderne. Mais au-delà de ça, j'essaye de comprendre comment l'étude de ce qu'on appelait philosophia dans l'Antiquité peut nous aider aujourd'hui à vivre notre temps, peut nous apporter des idées. Mais c'est vrai que cette position, voilà, vous voyez, c'est ni un être ni un faire, c'est plutôt une position, une situation. Cette position me semble toujours un peu précaire, un peu difficile. On se dit toujours, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent? Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose, etc. Et puis finalement, je finis toujours par, peut-être parce que c'est un sujet qui me passionne, je finis toujours par continuer à faire ce que je fais. Voilà. Pierre Vespérini, en effet, je voulais vous poser la question, même si notre émission ne nous porte pas en général à traiter à proprement parler de l'actualité, mais il faut bien dire que cette période particulièrement étrange que nous traversons, par sa dimension, je dirais, en suspension, en parenthèse, je vous imagine, bien que je ne vous connaissent pas, mais au travers de ce que j'ai pu entendre de vous et comme scrutateur du moment, et si je peux me permettre, que vous semble cette période? Comment vous la regardez, vous? Écoutez, je la vois comme un historien, c'est-à-dire j'essaye de recueillir le maximum de témoignages sur ce qui se passe. Je lis énormément de journaux de différentes langues et je m'interroge effectivement sur ce qu'il sortira de cette période. En réalité, j'essaye de sortir du présent le plus présent. J'essaye de sortir des informations qui d'ailleurs se contredisent toujours du jour au lendemain sur ce qui va se passer, etc., pour me demander finalement ce que ça dit de notre, d'une part ce que ça dit de notre histoire, de notre monde, et ensuite ce qu'il pourra en sortir. Donc pour l'instant, ce qui me semble tout à fait frappant, c'est on sent l'énorme fragilité du système dans lequel nous vivions, Et plus précisément, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'énorme fragilité du système de valeurs, du système axiologique sur lequel nous vivions, qui était donc essentiellement centré sur l'argent. L'importance de l'argent, l'importance du matériel, etc. Et là, on a le sentiment que des gens redécouvrent des valeurs différentes, des valeurs de solidarité, et aussi l'importance de la culture, justement, l'importance de... Parce que les gens se retrouvent chez eux, donc du coup, ils ont besoin de lecture. Et on rencontre beaucoup ce discours, le discours du temps retrouvé. Et personnellement, une chose qui m'a toujours beaucoup frappé en tant que chercheur ayant un poste, etc., depuis assez peu de temps finalement, c'est l'appel permanent à l'activité, à la mobilité, à multiplier les événements, les journées d'études, les colloques, les ateliers, les workshops. Et moi, j'ai toujours été un peu gêné avec ça, parce que j'ai toujours eu le sentiment que pour travailler, pour faire de la recherche, on a besoin de calme, on a besoin d'être un peu chez soi, on peut pas tout le temps prendre l'avion pour deux jours ici et là, surtout, je parle même pas des conséquences écologiques que ça a. Et donc finalement, de ce point de vue-là, je trouve que cette période, en ramenant les gens à une espèce de au fond de calme, de moment, de un peu de réflexion, me semble pouvoir être, comme disent les Anglais, a blessing in disguise. C'est une période extrêmement dure, mais en même temps, je pense qu'il faut toujours essayer de penser de façon dialectique et de se demander ce qu'il peut y avoir aussi de bien dans cette espèce de pause. Et je pense que beaucoup me semblent vouloir faire de cette période une parenthèse. Peut-être aussi pour se rassurer, pour se dire finalement ça n'est rien. Je vois des gens qui veulent absolument continuer à faire comme si les choses devaient continuer de toute façon au même rythme, mais autrement. Et ça me gêne un peu. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qui se passe, réfléchir à ce que cette époque nous dit, et réfléchir à la vulnérabilité du système, ce qui fait que tout d'un coup nous sommes tous dans cette situation. Là. Fragilité et vulnérabilité, mais pas seulement du système, eu égard au peu de contact qu'il nous est recommandé d'avoir avec nos voisins. On peut même dire que cette fragilité-là, elle est même concernant l'existence humaine. Là, dans une période comme celle-là, avant même les systèmes, c'est notre propre existence qui est perçue dans sa fragilité. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on n'était absolument pas préparé. Mais ça c'est encore une autre chose qui me frappe beaucoup, c'est à quel point dans ces moments-là on se rend compte de l'importance et du besoin qu'on a du lien humain. C'est tellement frustrant de se promener et de même par exemple quand on croise un passant dans la rue, j'ai remarqué que instinctivement on s'écarte l'un de l'autre. Et une autre chose que j'ai remarqué instinctivement, c'est qu'on baisse les yeux. C'est absurde, pourquoi baisser les yeux? Mais, et ça, c'est terrible, je trouve. Parce qu'on sent à quel point, même quand on se croise un passant anonyme dans la rue d'habitude, on se regarde quand même. C'est quand même déjà quelque chose. Et on ne peut pas vivre sans. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je trouve ça formidable qu'il continue à y avoir des modes de communication grâce à Internet, heureusement. Pierre Vesperini, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire de la philosophie antique ». J'espère que le titre est juste. Non, c'est « La philosophie antique, essai d'histoire ». Pardon, exactement. Non, je vous en prie. Mais vous faites bien de me corriger parce qu'effectivement, vous précisez, quand vous en parlez à quelques-uns des intervenants, que vous n'avez pas fait une somme historique, mais que vous avez tenté, et pour nous c'est assez idéal, j'entends nous, les auditeurs lambda, de pouvoir, grâce à votre travail, nous approprier un petit peu, j'allais presque dire, des nouveaux outils pour essayer de saisir ce temps-là, cette période-là, les hommes et les femmes qui y occupent leur place et qui travaillent, vivent. Ces nouveaux outils, je dirais, ont tendance un peu, me semble-t-il en tout cas, à faire un peu le ménage avec ce qui était pensé avant. Alors, si vous devez présenter ce travail-là à un grand public, comment vous feriez ça ? Écoutez, c'est un peu un travail, je dirais, de restaurateur de tableaux. Vous voyez, ce que je veux faire en général dans mon travail, au fond, c'est d'essayer d'enlever les couches que le temps a ajoutées sur le tableau pour retrouver les couleurs de l'original. Voilà, c'est un peu comme ça que je le dirais. Et donc, qu'est-ce qui s'est superposé aux couleurs originales de la philosophie antique ? Ce qui s'est superposé aux couleurs originales de la philosophie antique, c'est un discours assez moderne en réalité qui remonte au XIXe siècle, qui remonte à la philosophie allemande du début du XIXe siècle, notamment à Hegel, c'est celui qui a été le plus influent, qui a donné à la philosophie antique un rôle extrêmement important, pas seulement dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans la définition que nous donnons de notre civilisation. Alors, pas seulement dans l'histoire de la philosophie, tout simplement parce que si vous regardez avant Hegel, si vous regardez les grands philosophes fondateurs de notre modernité, les gens comme Descartes, comme Spinoza, comme Hume, etc., ce sont des gens qui ont un rapport à la philosophie antique vraiment plus que désinvolte. Des gens qui ne s'intéressent pas spécialement à la philosophie antique et pour qui la philosophie, elle se fait aujourd'hui et plutôt dans le rejet de l'héritage à l'époque, bon, de l'héritage scolastique. Donc ce sont des gens, les fondateurs de la philosophie moderne, qui se préoccupent assez peu de la philosophie antique. Donc c'est vraiment à partir des années 1800, et notamment avec Hegel, qu'on commence à dire « Mais attendez, l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose d'extrêmement important en philosophie, et les philosophes antiques sont vraiment nos grands ancêtres. » Je parle dans mon livre, ce sont des espèces de totems, des animaux totems. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tellement importants ? Eh bien parce qu'au fond, ils inventent la philosophie, ils inventent ce que nous on fait encore aujourd'hui. Donc cette idée est absolument nouvelle. Et pourquoi est-ce qu'ils inventent la philosophie ? Et pourquoi est-ce que c'est fondamental pour notre culture occidentale, pour nous, pas seulement en tant que philosophes, mais en tant que citoyens modernes ? Eh bien, avant toute chose, parce que ils font sortir la philosophie de la religion. Donc ça, c'est très important. C'est la séparation entre philosophie et religion. Parce que l'homme occidental, moderne, doit être un homme non religieux. Un homme sécularisé, un laïc, un homme éclairé. On est bien à l'étage de l'interprétation 18e, 19e siècle de ces philosophes. Voilà, exactement. Ouais. Et comment est-ce qu'ils font cette séparation ? Ben, ils le font par la raison. La raison, donc, c'est parce que donc cette faculté qui élève l'homme moderne au-dessus de ses ancêtres, enlisé dans la pensée magique, la pensée religieuse, etc. Donc voilà, de façon très schématique, ça c'est un peu la couche qu'il y a sur le tableau. Et donc mon travail à moi, c'est d'enlever cette couche, simplement déjà en l'objectivant, en se rendant compte qu'il y a cette couche. Et pour se rendre compte de cette couche, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller lire les textes sans lunettes, c'est d'aller regarder les textes eux-mêmes, et là vous vous rendez compte que la philosophie ne peut absolument pas, enfin la philosophie antique ne peut absolument pas, on peut pas rendre compte de la philosophie antique à partir de ces catégories-là de religion, de philosophie ou de raison. Tout simplement parce que par exemple, la notion de religion telle que nous l'entendons n'existe pas dans l'Antiquité. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du XVIIIe siècle en gros. Mais dans l'Antiquité, il n'y a pas une seule activité qui ne soit en contact avec les dieux, comme dans beaucoup de sociétés anciennes. L'idée de séparer une sphère d'activité de l'influence des dieux est une idée moderne. Ce qui vous conduit à dire que, quand on utilise le terme monothéisme, on n'a pas dans les mains un très bon concept opératoire. Mais le terme de monothéisme est né lui-même au XIXe siècle, si je ne m'abuse, c'est encore un terme moderne, comme beaucoup de ces ismes qu'on utilise dans l'histoire de la culture. Et le terme monothéisme est un terme qui, donc, là aussi, relève de cette philosophie de l'histoire dont je parlais, ce qui naît dans les années 1800, où il s'agit de décrire l'histoire de l'humanité comme un long progrès qui nous éloigne des brumes de la religion, de la magie, etc., vers les lumières, vers la modernité. Et donc, il est très important que la religion, pour être acceptable, eh bien, elle aussi subisse ce processus. Et donc, il faut qu'elle passe d'une religion polythéiste avec donc plusieurs dieux, et qui dit plusieurs dieux dit bon un peu confusion, amas, c'est pas très rationnel, il vaut mieux organiser tout ça. Évidemment, un dieu c'est beaucoup plus rationnel que plusieurs dieux, et un dieu c'est plus abstrait, c'est plus intellectuel, donc il n'y a pas le risque qu'on se mette à raconter des fables, des histoires, des mythes, etc. En plus, c'est encore mieux si ce dieu n'est pas représentable. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant avec cette notion de monothéisme, c'est qu'elle charrie avec elle tout un amas de notions. Qui dit monothéisme, en fait, dit religion spirituelle, religion intérieure, religion éthique, et que vous pouvez opposer à toute une série de d'autres termes. Religion axée sur le rituel, religion axé sur le collectif et pas sur l'individu, etc. Donc c'est encore une façon que les savants du 19e siècle, tributaires de cette philosophie de l'histoire allemande, avaient donc de décrire notre monde. Mais en fait, ils se décrivaient eux-mêmes. Et en réalité, cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Mais comme très souvent, et c'est un reproche que je fais d'une façon générale à mes collègues, comme très souvent, les savants n'ont aucun mal à critiquer des notions, mais ils ont ensuite du mal à les rejeter. C'est-à-dire qu'ils font la critique de ces notions, et après ils disent « Bon, mais quand même, on va quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est quand même une notion opératoire. » Et ça, j'ai jamais compris ça. Alors, peut-être que je suis un peu obtus, un peu trop brut, mais je comprends pas qu'on continue à utiliser des notions dont on passe son temps à reconnaître l'inadéquation. Évidemment, plusieurs questions se bousculent en vous entendant, Pierre Vesperini. J'ai l'impression, à vous entendre, que, en fait, vous nous avertissez que ce terme de monothéisme semble un peu, avant tout, distribuer les bons et les mauvais points. Je voudrais, avec vous, peut-être, puisque vous nous avez évoqué cette image du restaurateur de tableaux, en comprenant bien que vous n'utilisez pas des diluants pour enlever les couches supérieures au risque de tout diluer les couches inférieures, mais plutôt que vous allez en effet vers les textes. Alors, comment fait-on pour... comment ça se lit? Comment lisez-vous ces textes-là? Et qu'est-ce qui vous permet de comprendre? Qu'est-ce qui vous permet de réaliser, de découvrir? Vous voulez dire les textes antiques? Ouais. Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Je ne le dis pas ça par boutade, mais je les lis vraiment comme je pense un enfant pourrait les lire. Je vais prendre un exemple. Un exemple vraiment, on ne peut pas plus classique. Je prends l'exemple de l'Apologie de Socrate de Platon. Donc je ne vais pas chercher un texte difficile. Parlez pour vous. Ah non, mais je veux dire, c'est un texte vraiment qui est, c'est pas le Parménide de Platon, c'est un texte où Socrate donc se défend dans le cadre de son procès, et donc c'est Platon qui le fait parler, bien sûr. Et ce texte est extrêmement simple. Socrate raconte pourquoi il a suscité à Athènes des inimitiés, des hostilités qui ont conduit donc à la tenue de ce procès. Qui va mal finir. Oui, qui va mal finir. Et quand vous lisez ce texte, en essayant de suspendre tout ce qu'on vous a appris à l'école, et là je fais mienne l'attitude de Descartes au début du discours de la méthode, qui est un texte magnifique. Mais je pense que c'est pas difficile, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais c'est très difficile, comment est-ce qu'on peut s'arracher à tout ce qu'on nous a appris, bababa. En réalité, non, si vous êtes vraiment curieux, comme le sont les enfants, si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il y a, vous n'avez aucun mal à faire table rase, pour encore employer l'expression cartésienne, de ce que on vous a appris à l'école. Donc vous prenez le texte de Platon, l'Apologie de Socrate, et là vous voyez que Socrate, eh bien, c'est quelqu'un qui a reçu une mission de la part d'Apollon. Donc c'est quelqu'un qui est envoyé en mission par les dieux. Parce qu'Apollon, justement dans un système polythéiste, les dieux fonctionnent en réseau. Donc Apollon fonctionne avec Zeus, c'est le porte-parole de Zeus à Delphes, etc. Donc Socrate est un envoyé par les dieux, donc on n'est pas du tout dans une situation de sécularisation de la religion, de critique de la religion. Et donc, Socrate, il est envoyé par les dieux, et il est envoyé par les dieux pour quoi faire? Eh bien, il le dit textuellement, il est envoyé par les dieux pour montrer aux hommes que la sagesse humaine n'est que néant. la sophia, le savoir, la sagesse des hommes, c'est rien, c'est zéro, hein, uden, c'est très clair. Et donc, par conséquent, ça doit finalement ramener les hommes à la modestie, à la conscience de la place qu'ils occupent dans le monde, place qui est donc absolument radicalement inférieure à celle des dieux. Vous voyez, donc là c'est un exemple où on voit un Socrate qui émerge, qui n'est pas du tout le Socrate dont on nous parle à l'école, qui est une espèce d'ancêtre de l'intellectuel engagé, une espèce d'ancêtre du, je ne sais pas, du psychanalyste, du dialogue, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous prouver, en discutant avec vous, qu'au fond, vous ne savez pas ce que vous dites, que vous ne savez rien, et qu'au fond, seul le Dieu sait. Et ça, je veux dire, il n'y a pas une méthode particulière à employer pour arriver à cette compréhension-là. Simplement, il suffit de vouloir lire ce qu'il y a écrit. Peut-être parfois c'est plus compliqué, mais dans un exemple comme celui-là, c'est absolument clair. On n'a pas besoin d'une formation particulière pour se rendre compte de ce qui est écrit dans le texte. Histoire vivante, cette semaine, monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Pierre Vesperini, vous avez participé au colloque qui s'est tenu en novembre dernier et vous êtes venu effectivement échanger avec quelques-uns de vos collègues autour de ces termes de monothéisme et polythéisme. Qu'avez-vous apporté? Que pensiez-vous échanger? Les échanges qui s'y sont tenus vont-ils stimuler votre réflexion, votre pensée? Et, sachant que vous avez un peu un tempérament de renverseur de table, y êtes-vous venu également avec une petite intention, cachée ou non, de renverser la dite table? Ah oui, j'aime bien votre expression de renverseur de table, mais j'aimerais non pas la rejeter, mais la compléter. Je pense que j'aime beaucoup renverser les tables, mais j'aime encore plus la discussion. Et j'aime en particulier quand on renverse ma propre table, d'ailleurs. J'ai maintenant des élèves et j'aime beaucoup, justement, enfin, je les encourage beaucoup à renverser ma table. J'ai lu récemment, permettez-moi cette parenthèse d'ailleurs, mais je trouve ça tellement beau. J'ai lu récemment dans une biographie de Leonard Cohen, il cite le poète canadien Irving Letton qui dit que la principale qualité, les deux principales qualités d'un jeune poète, c'est l'arrogance et l'absence d'expérience. J'ai trouvé ça tellement beau et tellement important parce que justement, dans un milieu comme le nôtre en particulier, les jeunes gens sont toujours au contraire tenus, enfin je constate maintenant que je vieillis, je constate à mon égard des témoignages un peu, et je veux toujours... Vous entendez des vouvoiements obséquieux? Oui, mais c'est-à-dire, bon, en plus, vous savez, la précarité de la recherche, l'absence de poste, encourage encore plus, si vous voulez, des comportements trop différents. Il faut, au contraire, encourager les jeunes gens à renverser les tables. Et je pense que cette idée est magnifique, vraiment, de ce poète qui dit, voilà, principale qualité, arrogance et absence d'expérience. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je reviens à votre question. J'étais ravi d'aller à une journée d'études avec toutes ces autorités en matière d'histoire des religions. Et j'y allais justement dans le plaisir, je ressentais à l'avance le plaisir que j'aurais à discuter. Et pour répondre plus précisément à votre question, j'y allais en effet avec une intention très précise, puisqu'il y avait Guy Strumza qui était là, et qui est l'auteur d'un livre très important, enfin qui a fait date, qui s'appelle « La fin du sacrifice », un livre très intéressant. Mon idée, c'était d'interroger Guy Strumza sur une de ses thèses. Alors le livre remonte à 2005, donc on était en 2019, donc ça remontait, et ma question c'était, est-ce qu'il était encore d'accord avec ce qu'il avait écrit dans ce livre? Et en fait, si vous voulez... Quel était le problème? Et pourquoi est-ce que, au fond, j'étais invité là? Parce que je ne suis pas historien des religions. mon qualificatif institutionnel, si vous voulez, c'est plutôt historien de la philosophie antique. Donc pourquoi j'étais là? J'étais là parce que dans l'histoire traditionnelle de la philosophie antique, les philosophes sont censés avoir guidé les anciens païens, encore enlisés dans le paganisme, polythéisme, et les rituels, les mythes, etc. Ils sont censés les avoir guidés sur le chemin lumineux du monothéisme. Ils ont été les go-between. Ils ont été les guides, vraiment. Vous savez, constamment, on vous explique que les philosophes n'aimaient pas la religion, ils critiquaient la religion, etc., etc. Bon, tout ça, c'est vraiment faux. Bon, donc, moi, j'étais là pour, donc, à la fois pour critiquer la notion de monothéisme et pour dire que les philosophes n'avaient pas été spécialement monothéistes. Et je voulais interpeller Guy Strumza, parce que dans la fin du sacrifice, qui est d'un livre, donc, sur l'idée que, finalement, à la fin de l'Antiquité, on assiste à un déclin du rituel du sacrifice, qui est le sacrifice qui était vraiment le rituel central du paganisme, et cela advient, pour Guy Strumza, par deux canaux, par deux go-between, si vous voulez, pour reprendre votre expression, c'est d'un côté les philosophes qui seraient des critiques du sacrifice, par exemple, et de l'autre, les juifs dont le temple a été détruit par les Romains, et du coup, les juifs se retrouvant sans temple et se retrouvent sans sacrifice, ils peuvent plus sacrifier, du coup, ils se tournent vers la religion du livre, vers le Talmud, vers les rabbins, etc., vers ce judaïsme rabbinique, et donc sont les juifs et les philosophes qui constituent finalement la base de cette fin du sacrifice qui va nous orienter vers une religion plus abstraite, plus intérieure, plus éthique, etc., etc. J'ai pas besoin de tout dérouler la liste, mais vous pouvez le faire. Et donc on est là dans le cadre tout à fait de cette philosophie de l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comme Guy Strumza était là, j'étais très content parce que donc ça m'a permis de lui poser la question finalement. Donc s'il était toujours d'accord avec ça, parce que voilà, je pense que c'est une idée qui finalement fait plaisir à l'esprit moderne parce qu'elle simplifie les choses. Elle donne un sens à l'histoire finalement. On a l'impression que finalement, c'est quand même l'histoire a un sens quand même plutôt positif. On laisse derrière nous des choses un petit peu bizarres. Par exemple, le sacrifice c'est sanglant. Et ça c'était amusant parce que Guy Strumza me l'a dit très franchement. Il m'a dit il n'aime pas les sacrifices. Il aime pas parce qu'il y a du sang, ça lui plaît pas. Donc finalement, il préfère qu'on étudie des textes plutôt qu'on aille sacrifier des animaux au temple, ce que je conçois tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment finalement, il y a bien une... Là, je reprends l'expression de Françoise Héritier à propos des sexes. Il y a une valence différentielle. Il y a une valence différentielle des religions. Il y a les religions bonnes, les religions mauvaises, les religions à sacrifice, les religions sans sacrifice, etc. Et finalement, on voit que souvent, cette valence différentielle repose sur un certain caractère, sur un certain habitus, si vous voulez, sur une certaine personnalité. En l'occurrence, bon, un savant qui rechigne à l'idée qu'on sacrifie des animaux, ce que c'est tout à fait respectable, mais qui n'en est pas moins arbitraire quand il s'agit d'analyser une culture aussi différente de la nôtre que la culture antique. Donc pour répondre à votre question, voilà, j'étais surtout allé là-bas dans cette idée de discuter avec Guy Strumza. Demain, la suite, nous retrouverons Pierre Vesperini, chargé de recherche au CNRS. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.